sigle que vous croisez sur des tracts, sur une banderole noire et rouge, souvent des militants en fin de manif. Mais qui sont-ils? Qui sont-elles? C'est quoi la CNT? Donc c'est pour faire des propositions de réponses que nous avons décidé de prendre la parole sur l'antenne une fois par mois, tous les premiers dimanches du mois, si on y arrive. Nous déclinerons aujourd'hui l'histoire, puis le fonctionnement de ce syndicat de combat autogestionnaire et solidaire. Puis, au fil des émissions, nous prendrons le temps pour parler des actions, des luttes sous différentes formes. Récits, présentations de livres, de musique, des reportages, des interviews. Donc, pour commencer, la CNT, c'est qui? D'où ça sort? Je te passe la parole, Elian, pour un bref historique. Alors, un bref historique. La CNT, elle prend ses marques à l'origine du syndicalisme en France, c'est-à-dire en 1885. Et en 1885, c'est la création de la Confédération Générale du Travail, la CGT. Ensuite, la CGT va scissionner en une CGTU, CGT unitaire, en 1922. C'était les personnes qui étaient proches à l'époque du Parti communiste et de l'Internationale socialiste qui venaient de se créer. Mais la CGT, en 1885, elle est formée, créée par, les communistes n'existaient pas, mais par des socialistes et surtout des anarchistes. Donc les anarchistes sont toujours présents à l'intérieur de la CGTU et à l'intérieur de la CGT tout court, et décident de créer en 1926 la CGT-SR, la CGT syndicaliste révolutionnaire. Cette CGT-SR va être tout de suite affiliée à l'Association internationale des travailleurs, la IT, et donc en France sera... donc officiera de 1926 à 1939, parce que en 1939, cette CGT-SR sera interdite par le pouvoir en place, et du coup, en 1940, s'auto-dissout. La CGT-SR s'auto-dissout en 1940. Et en 1936, les CGT s'étaient réunis à l'époque du Front populaire. Et donc la CNT est créée en France en 1946. Elle est créée par les anciens de la CGT-SR et aussi par les militants républicains et anarchistes espagnols qui viennent de perdre la guerre civile qui a eu lieu de 36 à 39. Pardon. Et donc voilà, la CNT au niveau national est donc créée en 1946. Donc ça fait quand même un bail qu'elle existe, quoi. Voilà. Le bref historique. On envoie la musique, Elian, ou pas? Allez. Musique. Musique. Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau. Et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai les partie au René Midamé. Ça fait du Cette bien. Chanson nous tient à cœur. Hein, ça chantait dans le studio en même temps que les René Midamé. C'est notre flamme anarcho-syndicaliste que ça réveille. Effectivement, en 1936, les collectivités d'Aragon, ou d'ailleurs en Espagne, ont réalisé la collectivisation des entreprises et des terres, la pratique de l'autogestion. Période de l'histoire assez méconnue, on se demande pourquoi. Pendant cette période, les travailleurs et les travailleuses se sont appropriés leur outil de travail, et c'est notre grand rêve, notre combat. À ce moment-là, la CNT avait 2 millions d'adhérents et d'adhérentes dans la période révolutionnaire qui combattait le fascisme de 36 à 39. En Espagne. En Espagne. Et ça nous fait toujours rêver. Ouais. Ça ne nous fait pas que rêver, d'ailleurs. Hein. C'est notre moteur. Donc, revenons à aujourd'hui. Hein, on est un peu moins nombreux, mais hein, la CNT est toujours là. Et on va voir, poursuivre, on va dire comment ça s'est construit sur Saint-Étienne. Élian, je te laisse la parole. Alors, comment ça s'est construit sur Saint-Étienne? Bon, la CNT, elle a été créée à l'image de la CNT au niveau national. Hein. Saint-Étienne s'était créé en 1946. Il y avait toujours des militants de la CGT-SR à Saint-Étienne. Donc, du coup, ils ont créé naturellement la CNT à Saint-Étienne. Il y avait aussi des antennes à Rive-de-Gier, à Roanne, Saint-Chamond, je crois même Montbrison. Et du coup, très naturellement, la CNT a été tout de suite, à Saint-Étienne en tout cas, a été tout de suite intégrée à la Bourse du Travail où étaient logées entre autres la CGT et il me semble aussi la CFTC. Les autres syndicats n'existaient pas en 1946. Après, comme partout en France, 1946, la CNT a périclité un petit peu et a commencé à renaître de ses, enfin, à replonger un petit peu dans le mouvement social dans les années 70 avec les réfractaires au service militaire, par exemple. Beaucoup de militants à l'époque de la CNT, pas à Saint-Étienne, mais au niveau national, refusaient le service militaire. Et c'était naturellement qu'ils étaient soutenus par l'organisation, la CNT. Et en parallèle, de toute façon, il y avait toujours la CNT espagnole qui se réunissait régulièrement, qui faisait des activités régulières, et bien évidemment, y compris à Saint-Étienne et à Roanne, puisqu'il y avait beaucoup de réfugiés espagnols à cette époque. À la Bourse du Travail? Non, pas à la Bourse du Travail. Ils étaient dans un autre local dont j'ai oublié l'adresse dans ces années-là, mais ce n'était pas à la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail, c'était la CNT française, le syndicat de la CNT française. Et donc... sur Saint-Étienne, la CNT se redynamise milieu des années 90, 1990, c'est-à-dire au siècle dernier. Hein, et en l'occurrence, donc 95, les plus anciens se souviennent des grosses manifs et des gros blocages de 95 et qui avaient réussi à l'époque à faire tomber un premier ministre, hein, Juppé. Et voilà, et sur Saint-Étienne, ça se redynamise encore plus avec le mouvement des chômeurs, qui est les occupations en 96, 97, 1900 toujours, hein, 1996, 1997, les mouvements des chômeurs, occupations, et là, les militants de la CNT sont... actif avec d'autres militants syndicaux et associatifs, notamment la CGT, hein, qui était là aussi, bien évidemment, et les gens de Sud Rail, les cheminots, quoi. Et 1996, il y a la création du syndicat CNT-PTT, donc de la Loire, un syndicat départemental, appuyé par la fédération hein, des syndicats de la CNT-PTT au niveau national, et puis rapidement la création d'un syndicat santé-social avec une très grosse section sur l'hôpital psychiatrique de Saint-Jean-Bonnefonds à l'époque, mais ça on en reparlera dans d'autres émissions, et ensuite la création de la CNT éducation pour les travailleurs de l'éducation, qui soient profs, instit, professeurs des écoles, jardiniers, aides ménagères, enfin je ne sais plus comment, voilà. Tous les travailleurs autour et dans l'éducation, qui voilà. Font partie de l'équipe éducative. Voilà, voilà. Et on peut prendre en même temps création d'un syndicat interprofessionnel, donc là qui regroupe tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés dans d'autres fédérations d'industrie, et aussi création du syndicat culture spectacle. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la création et la redynamisation de la CNT stéphanoise, et toujours bien évidemment à la Bourse du Travail hein, de Saint-Étienne, cours Victor Hugo. Et puis après, il y a eu la création à Rouen. Alors oui, il y a donc des camarades, des compagnons qui ont adhéré à la CNT d'abord à Saint-Étienne, et assez rapidement ils ont voulu créer une union locale à la CNT de Roanne, et ils ont réussi. Et là c'est une particularité d'avoir un local à la Bourse du Travail aussi de Roanne, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres villes de France où les copains, les copines bataillent pour être reconnu au niveau des autres syndicats, au niveau de la ville et tout ça, et donc ont des locaux qui leur coûtent très cher. Et nous, on en a deux dans le département. Et oui. À la Bourse du Travail. Et ça, c'est super, quoi. Et voilà. Donc, après, quoi dire de plus Là, tu as fait le tour des syndicats. Comme tu l'as dit, on reprendra ça dans cette émission, puis dans les prochaines. Par contre, tu peux nous parler de la création du conseil du salarié ? Alors, c'est pas une création, le conseiller du salarié, il existe déjà depuis longtemps. C'est une. J'en parle maintenant ou pas ? Non. Bon, puisqu'on a lancé. Ben, alors, qu'est-ce que je fais ? Oui, vas-y. Bon, merci. Alors, le conseiller du salarié, qu'est-ce que c'est ? Il existait bien avant la CNT, hein, le conseiller du salarié, c'est une personne qui est autorisée par la préfecture et la direction du travail à accompagner tout travailleur et travailleuse qui se rend à un entretien préalable au licenciement dans les entreprises, dans les boîtes où il n'y a pas de délégué du personnel ni de délégué syndicaux. Voilà. Et donc depuis 10 ans... Voilà, c'est ça qui est... Nouveau chez nous depuis 10 ans. Depuis 10 ans, la CNT a fait la démarche de déclarer, d'avoir des conseillers du salarié. On est actuellement 5 ou 6 conseillers et conseillères sur le département, quoi. Donc on peut intervenir sur le département et c'est une liste qui est consultable en mairie. À la direction du travail, à la directe, et voilà. Voilà, et on peut dire qu'on a beaucoup. Excuse-moi, Brigitte, qu'on a beaucoup de sollicitations. Oui, mais chaque adhérent de la CNT doit être capable de défendre quelqu'un qui est en détresse au travail. Et quelle est la particularité du conseiller du salarié ? Alors, évidemment, la particularité déjà de la CNT au niveau syndical, c'est qu'on s'auto-forme tous ensemble. C'est-à-dire que quand on reçoit une personne qui rencontre des difficultés dans son travail, on cherche des solutions ensemble. Et la particularité du conseiller ou de la conseillère du salarié de la CNT, c'est quand on est sollicité, on va aussi chercher une solution avec la personne qui nous sollicite, souvent à plusieurs d'ailleurs, et on respecte la décision du salarié et de la salariée. Voilà. Et du coup, on l'accompagne. Et donc, le conseiller du salarié, c'est une personne qui est assimilée à, je vais dire un gros mot, mais assimilée presque à un huissier de justice. C'est-à-dire que ce qu'il va dire après l'entretien, son témoignage ne peut pas être mis en question. C'est-à-dire que ça vaut une attestation d'huissier s'il y a besoin de partir au prud'homme pour régler le conflit a posteriori. Voilà. On reparlera des conseillers et des conseillères du salarié dans une émission spécifique où on redira tout ça. Et... si tu veux. Voilà. Donc oui, les conseillers et les conseillères du salarié, 10 ans. La dernière initiative de la CNT, c'était la création d'un groupe pour répondre aux besoins des femmes au sein de la CNT. Donc un groupe femmes libres, non mixte. Donc Brigitte va nous en parler, mais avant, on va écouter un générique. Falsch! Faut que je te raconte comment chaque fois j'affronte ou dois tenir tête et souvent à coups de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusille des yeux la façon dont je m'habille, me demande si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille. Quelle importance mes séquelles, fais ta route, ce que tu penses n'influence pas ma manière d'être. Et tous les mécontents peuvent aller se faire foutre, car je ne rendais compte qu'à celle qui m'a vu naître. Je ne suis pas cette bête de foire que l'on dompte, ou bien même à qui l'on monte sur la tête. Et cette vie propre et nette de micheton aux petites minettes, je n'en veux pas, laisse-moi sur ma planète. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre. Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap. Voilà, c'était Casé avec Pas à vendre. Alors, on a essayé au sein de Femmes Libres de trouver une petite musique, un jingle qui reviendrait régulièrement dans nos émissions, chaque fois qu'on parlerait de nous. Et voilà. Donc, Femmes Libres. Donc, nous avons eu besoin, à certains moments, à force de recevoir des gens qui avaient des soucis dans leur travail, on s'est aperçu que les femmes avaient en plus le souci d'avoir des problèmes au travail et d'être une femme, et ce qui ajoutait encore au tracas qu'elle pouvait subir. Donc à un certain moment, on s'est dit, on va essayer de monter quelque chose qui nous soit spécifique, non mixte, parce que... Ça veut dire quoi, non mixte ? Non mixte, ça veut dire qu'on se fait des réunions entre nous, entre femmes. Sans les hommes ? Sans les hommes, parce qu'à certains moments, de la même façon que lorsque tu travailles dans l'éducation, eh ben, tu te regroupes entre collègues pour parler de tes problèmes de travail, eh ben, de la même façon, et ensuite tu fais part de tes réflexions aux autres, eh ben, de la même façon, les femmes, elles parlent entre elles de leurs problèmes à elles, et puis les réflexions qui en sont issues, eh bien, elles les transmettent au reste du syndicat. Voilà. Donc, notre modèle, c'était Mujeres Libres, qui s'est créée à Barcelone en 1936. Et donc, ce sont des femmes qui étaient très en lutte, très, très remontées, puis qui se sont aperçues que petit à petit, on les écartait de la lutte sous prétexte qu'elles avaient les enfants à garder, la bouffe à faire. Et donc, voilà, elles ont essayé de lutter avec déjà les hommes contre les nazis, enfin les fascistes, et puis au sein de la CNT pour essayer de faire reconnaître leurs droits et leurs particularités, quoi. Elles veulent bien militer, elles veulent bien élever des enfants, elles veulent bien faire la bouffe, mais voilà, elles sont pas les seules, quoi. Elles peuvent partager. Du coup, voilà, on a monté ce petit groupe au sein de la CNT en mars, fin février. Voilà, la première réunion a eu lieu au mois de février. J'ai loupé la date exacte. Et voilà, et depuis, on se réunit très régulièrement. Et puis aussi, on essaye d'en parler à tout le monde. Et du coup, il y a eu d'autres groupes qui se sont formés à Bordeaux, à Nantes, puis je ne me souviens plus où. Enfin, Lyon. Hein, Lyon, hein, oui, toujours au sein vrai. De la CNT. Voilà, oui. Et j'ajouterais qu'en fait, comme Mujeres Libres, on se bat à deux niveaux. C'est-à-dire, c'est très intéressant d'avoir cette formation de femmes libres au sein de la CNT parce que ça permet aux femmes salariées qui vivent des situations de harcèlement sexuel dans leur travail et des situations spécifiques aux femmes de pouvoir en parler avec nous. Le plus souvent, elles ont beaucoup de difficultés à le faire. Et donc, nous, on a créé Femmes Libres aussi pour qu'elles puissent avoir un lieu où elles peuvent parler en sécurité, où elles peuvent être écoutées sans jugement, sans avoir de preuves à apporter, etc., etc. Il y a donc ce niveau-là de syndicalistes, et puis il y a le niveau de femmes en tant que femmes et militantes au sein de la CNT. Comme Mujeres Libres, on a aussi l'impression des moments qu'on n'est pas... qu'on n'est pas forcément entendu, que il y a des choses spécifiques qui se passent entre militants et que là, on ne peut pas les exprimer. Donc nous, on a besoin d'un lieu, d'un endroit, d'un espace, on va dire, où on peut exprimer ça entre nous. Ce n'est pas du tout un rejet des mecs, évidemment. C'est simplement pouvoir en parler librement et avoir en face des gens qui vivent à peu près la même chose et avec qui on peut essayer de trouver des stratégies pour d'abord en parler dans tout le syndicat et faire en sorte que la CNT soit un syndicat là-dessus qui soit irréprochable, ce qui peut. Et depuis donc le mois de février, on essaye d'élaborer des pistes de réflexion. On essaye de monter une permanence, et puis d'être prête à l'assumer. Et voilà, on est en réflexion. Et on est aussi disponible à écouter, à recevoir des appels, etc. On donnera toutes les infos là-dessus plus tard. Oui, les infos dans des petits fascicules, etc. Mais et aussi dans une émission spéciale Femmes Libres qu'on prévoit au printemps 2019. Donc, un petit aperçu des différents groupes et syndicats de la CNT. Je veux juste faire une toute petite remarque à propos de la musique qu'on avait choisie. On a beaucoup bataillé pour trouver la musique du jingle. Donc c'est Kazé et c'est la chanson « Pas à vendre » et qui a finalement plu à tout le monde. Merci Brigitte. Alors où j'en étais ? Tu m'as coupé en plein... Pardon. Ah, donc on vient de présenter tout ça. Donc avant de poursuivre, petit mot sur l'organisation, puisqu'on est dans la première émission, l'organisation de la Confédération, de la CNT. Le mode de fonctionnement qu'on essaye de faire correspondre au plus près à la manière dont nous pensons la gestion de la société dans son ensemble. Donc la CNT, c'est un ensemble de syndicats où s'organisent les travailleurs et les travailleuses au sens large, puisque à la CNT, il y a des salariés, des chômeurs, des retraités, des précaires, les étudiants, les lycéens. Un travailleur est un producteur qui ne possède pas les moyens de production. Donc à la CNT, on ne syndique pas un patron ni un actionnaire qui tire des revenus du travail des autres. Nous sommes aussi contre, pour l'abolition de l'État en tant que bras armé du patronat. Et c'est pourquoi on ne syndique pas non plus les forces répressives de l'État, comme la police, l'armée. Nous sommes des syndicats autogérés. Nous refusons toute subvention de l'État. Il n'y a pas de permanents syndicaux. Personne ne reçoit de salaire, ça vous devez vous en douter, pour militer. Et quand nous militons, nous le faisons sur notre temps personnel. Notre indépendance totale est notre force politique. Et lorsque nous recevons quelqu'un, nous ne lui demandons pas a priori d'adhérer. Ah oui. Oui, ce n'est pas notre première préoccupation. On aide et après, si on sent que ça peut intéresser la personne, parce que bon, on préfère des adhérents qui soient dans la vie et l'autogestion du syndicat. Alors, comment ça se passe ? Pour que les décisions soient prises par les syndicats de base, c'est en fait toute une organisation. Pour faire simple, si j'y arrive, la structure de base, c'est le syndicat. Le syndicat qui réunit des différentes catégories de personnel. Comme l'ont déjà dit Brigitte et Elian, là, quand ils ont parlé des syndicats, donc dans un même champ professionnel, à la CNT Santé sociale 42, tout à l'heure ils ont pris éducation, par exemple, il y aura des infirmiers, des assistantes sociales, des jardiniers, des agents de service, des ambulanciers, des éducateurs, etc. C'est pareil pour l'éducation, comme ils l'ont dit tout à l'heure. En fait, voilà, suivant où tu bosses, tu iras dans le syndicat qui correspond au secteur de ton activité professionnelle. Dans la section syndicale, c'est l'Assemblée générale qui décide de tout. Il n'y a pas de mots d'ordre qui sont parachutés par des dirigeants syndicaux ni des partis politiques. Comment on est structuré ? Donc, il y a le syndicat. Les syndicats se réunissent en union locale à Saint-Étienne. Tous les syndicats se réunissent le vendredi à 18h30 à la bourse. Les unions locales. La bourse du travail, oui. Oui. Les unions locales, donc de Roanne et de Saint-Étienne, comme on vous a dit, se réunissent une fois par an en union départementale. Et on grandit la sauce, les unions départementales se réunissent par région en union régionale. Et ensuite, les fédérations, c'est-à-dire tous les syndicats, santé sociale, éducation, culture, spectacle de France, se réunissent en fédération, ce qui permet une coordination des luttes, des échanges et des luttes communes parfois, une solidarité quand elle peut exister entre les syndicats d'un même champ professionnel. Et enfin, la Confédération, qui regroupe, elle, tous les syndicats CNT de France. Donc là, c'est là toutes les grandes décisions du fonctionnement de la CNT, les nouvelles propositions syndicales, propositions de campagne, etc., sont prises, toutes les décisions de fonctionnement organisationnel sont prises lors d'un congrès qui a lieu tous les 2 ans. Bon, c'est aussi lors de ce congrès que l'on décide des mandatés pour le secrétariat, la trésorerie, Westmaster, et tout ça, donc pour les 2 ans à venir, avec des mandats précis et contrôlés, puisqu'entre les 2 ans, il y a un CCN pour contrôler tout ça. Voilà, donc chacun et chacune, à partir de son syndicat, là où il vit, là où elle vit, participe au fonctionnement et aux prises de décision au niveau local, régional, fédéral et confédéral. Voilà, on essaye d'être au plus près, fidèle à notre slogan. Personne ne travaille pour toi et personne ne décide à ta place. Les décisions de la Confédération sont prises par les syndicats de base, par les syndiqués eux-mêmes. Musique. Musique La Fraction, La Peur d'Exister. Voilà, c'était donc La Fraction, La Peur d'Exister, un groupe là aussi qui nous tient à cœur, notamment pour leur démarche aussi autogestionnaire et leurs paroles. Et après donc toutes les présentations qu'on a faites de l'historique et des actions de la CNT au niveau local ou national, voire international, on va prendre un peu de temps pour discuter de ce qu'est un syndicat, à quoi ça sert, pourquoi on se syndique. Qu'est-ce que ça nous apporte au travail, dans nos vies, et à quoi on sert dans les luttes contre le patronat et les luttes anticapitalistes, etc. Donc voilà, je vous laisse la parole. Oh, merci JB. Je vous en prie. Bah, la première idée, c'est déjà de ne pas rester tout seul dans son coin. Quoi qu'il arrive, quel que soit le problème, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Et le syndicat, du coup, ça permet, ça donne une structure où s'appuyer, une structure solide, hein, où on peut s'appuyer au quotidien. Et puis tenter de se défendre déjà sur son lieu de travail, mais voire plus de changer la société. Paf. Tout d'abord, d'être au courant de ses droits. Je pense tout simplement d'être au courant de ses droits. Parce que là, j'ai des exemples sous le coude de copines qui veulent, par exemple, avoir des... pas un licenciement, mais tu sais... Une rupture conventionnelle. Voilà, une rupture conventionnelle. Et en fait, elles n'ont aucun moyen. Donc, elles n'ont aucun moyen de savoir. Il faut C'est un moyen d'information. C'est un moyen d'information important. Moi, je leur dis d'aller dans les syndicats, mais il y a une telle... à la CNT, par exemple. Ouais. Mais il y a une telle désinformation là, sur les syndicats partout, que ce n'est pas la première chose auxquelles pensent les gens quand ils ont des problèmes au travail. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un gros travail, nous, à la CNT, pour qu'ils viennent les salariés quand ils ont des questions, simplement même des questions, des problèmes, évidemment, qui viennent nous voir et qu'ils viennent parler avec nous, qu'ils sachent qu'on est là. Quoi. Après, les réponses aux questions, effectivement... Si tu as le courage de... Nous, on peut servir à cerner la question. déjà. Toi, tu parles de rupture conventionnelle. Donc déjà tu as un peu cerné le problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des problèmes, qui sait pas comment faire, ne sait pas toujours comment s'exprimer et donc ne peut pas trouver les réponses directement sur Internet, par exemple. Oui, mais quand tu as parlé... Il faut déjà en parler, il faut déjà poser les problèmes, écouter les gens qui arrivent et les personnes qui ont envie de nous en parler. Et puis on ne réfléchit pas tout seul non plus. On réfléchit à plusieurs et c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Et à quoi ça sert un syndicat pour les retraités, les chômeurs ou les étudiants, Brigitte? Pourquoi on fait ça? C'est vrai, c'était une bonne question. Alors, ils n'ont pas de problème avec leur patron, eux. Je vais donner la parole aux retraités. Oui, je veux bien répondre. Je veux dire, les convictions, ça part pas dès qu'on est à la retraite. Hein. Donc, c'est aussi pour soi-même, pour continuer justement toute la dimension, pas que dans le... Bien sûr, je suis d'accord, hein, dans mon travail, j'ai défendu les droits des salariés, j'ai donné de l'information, etc. Mais là, aujourd'hui, ben, j'ai élargi pour des luttes beaucoup plus globales de changement et puis pour changer la société. Changer le monde. Mais carrément. En fait, c'est tout simplement de la solidarité. Je veux dire, tu continues, quand tu es retraité, d'être syndiqué simplement parce que le travail... je veux dire, on a besoin d'être tous ensemble là derrière contre ce système-là, parce que de toute façon, même au niveau des retraites, il y a des problèmes avec les patrons. Avec les patrons. Absolument, et avec l'État, oui. Qui essaie de réduire au maximum les droits des gens. Et du coup, on est tous ensemble derrière, parce que les salariés maintenant vont être des retraités, on était des salariés. Je pense qu'il y a vraiment... le syndicat, c'est la solidarité pour moi, donc c'est vachement important. Après, il y a le temps aussi. Vous pouvez donner plus de temps que quelqu'un qui Exactement. Travaille. Ça dépend qui. Le syndicat aussi, c'est un outil. C'est vraiment un outil de lutte, quoi. C'est un outil qui est reconnu en principe par le patron et par l'État. Et ça permet aussi, comme disait Nicole tout à l'heure, une solidarité entre... les différents syndicats pour aller chercher l'information, comme on l'a dit déjà. Hein. Après, pourquoi un syndicat de chômeurs? Ben, le chômeur, de toute façon, c'est un travailleur privé d'emploi. Donc, il a intérêt à s'organiser avec d'autres pour continuer à défendre ses droits en tant que chômeur et en tant que probablement futur travailleur dès qu'il aura de nouveau un emploi, quoi. Donc le syndicat, nous en plus à la CNT, on est pour un changement radical, ouais, de la société, et notre projet de société, c'est le syndicat qui va gérer toute la société. Et donc là, effectivement, comme disait Nicole, ça ne s'arrête pas le jour où on ne travaille plus, puisque le syndicat réfléchit à une réorganisation totale et radicale de la société. Donc, ouais, exactement, ouais. Et les chômeurs, les précaires sont les plus exploités, les plus isolés aussi. Donc, bien sûr, si eux-mêmes misent sur la solidarité pour retrouver l'énergie, parce que c'est aussi ça un syndicat, hein, c'est du temps, c'est de l'énergie, et en même temps, c'est de la réflexion. On reçoit aussi beaucoup, comme dans les luttes, et c'est qu'on soit retraité, chômeur, précaire, on en a encore plus besoin, puisqu'on n'a pas la base du boulot. Et puis c'est aussi, je pense aux sans-papiers qui sont embauchés, qui travaillent dans des conditions dégueulasses. Mmh. Et là, on a aussi à être présent pour pouvoir les aider dans leur bataille, dans leur lutte. Voilà. C'est pour ça qu'on se syndique alors. Voilà. Et du coup, si vous voulez nous contacter, hein, à la CNT, c'est facile. Hein. Parce qu'on est à la Bourse du Travail, en principe des permanences tous les vendredis, en fin d'après-midi, 17h, 18h30. Et puis, vous pouvez nous identifier dans les manifs, comme l'a dit Agnès tout à l'heure. Et aussi, nous croiser, les militants, nous croiser un petit peu dans différents lieux de la ville de Saint-Étienne. Quoi. Des bars. On a beaucoup... Non, mais on rigole. Mais on a beaucoup de discussions, comme tu disais tout à l'heure, Nicole, de discussions informelles. Dans des lieux qui sont pas du tout qui sont informels et qui sont pas du tout répertoriés comme des lieux où on va défendre forcément le travailleur, quoi. On a beaucoup, mais c'est normal, c'est la vie, hein. On discute de tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie, dans tous les lieux, et souvent on est interpellé quand même, on peut le dire, hein, souvent par des copains et des copines, hein, qui se posent les questions que tu disais, Nicole, tout à l'heure. Hein, qu'est-ce que je peux faire? Regarde ce qui m'arrive à mon boulot. Blablabla, blablabla. Remets-en une. Bon, d'accord. Et voilà. Il dit, ah, mais t'avais pas pensé à ça? Ah, ben oui, d'accord. Bon, ben, écoute, ce qu'on fait, on va se poser. Tu viens nous voir vendredi prochain. Et là, on va réfléchir ensemble à essayer de trouver une solution. Voilà. Est-ce qu'on a parlé de l'aspect autogestionnaire de la CNT ou je radote si je remets ça sur la table? On en a parlé à plusieurs reprises, c'est pour ça que je me demandais si on en remettait. Ouais. C'est-à-dire que... On peut en parler. La base, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Non, mais le caractère autogestionnaire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la solution, on va essayer de la trouver avec la personne qui rencontre des difficultés dans son travail, ou vous parliez des copines, des femmes et tout ça, quand elles rencontrent vraiment des gros problèmes, la solution, elle vient collectivement. Donc c'est ça aussi la particularité de la CNT. Collectivement et avec la personne. Voilà. Et par rapport à d'autres organisations syndicales qui ont tendance à... Avoir des réponses toutes faites. Voilà. Tu rentres dans un cadre, on te répond, etc. Tu pousses la porte, t'es obligé d'adhérer. Ouais. Mmh, c'est ça. Donne ta thune, je te réponds. C'est un peu ça, hein, quand même. Pour certains. Pour certains. Pour la majorité. Ok. Donc, on avait prévu d'abord la musique, non? Non, en conclusion. Non, c'est toi. Tu dois faire une petite lecture, Agnès. Tu nous avais dit que tu nous... t'as pas un tract à lire ou un truc pour nous expliquer? Je sais pas si c'était par rapport à la solidarité. Non, c'est vachement important. On en a vachement parlé important. Déjà. Si, lis-le, Agnès. Parce que l'intérêt des travaux. Parce que les hiérarchies de salaire et de fonction, ainsi que les différences de statut, renforcent les décisions. Les divisions. Les divisions et l'égoïsme au sein de la population. Et s'oppose à la construction d'une société égalitaire et autogérée. Solidaire, parce que seule l'action interprofessionnelle permet d'éviter le corporatisme. Solidaire, parce que les luttes des femmes, des chômeurs et des chômeuses, des précaires, des mal logés, des sans-papiers, des lycéens et des étudiants et des étudiantes sont aussi les nôtres. Parce que ce que les peuples du monde entier sont... Parce que les peuples du monde entier sont tous des victimes des mêmes maux. Voilà, hein, tout s'oppose radicalement. Nous opposons radicalement à tous les intérêts capitalistes. Bravo, Agnès. Voilà, non, j'ai bredouillé. Bravo. Hein. Mais vous m'avez déstabilisé. On va mettre un peu de musique, un peu de rock'n'roll. Ouais, vas-y. On va faire du local aussi. Vas-y. Le groupe s'appelle 10 Minutes Later. Le morceau s'appelle I'm Not Free. Voilà, j'avais demandé hein, d'être indulgent, donc vous ne vous moquez pas. On va terminer, parce que l'heure tourne. Ouais, nos objectifs. Attends, j'avais un truc à dire avant. Si vous avez vraiment aimé, beaucoup aimé ce groupe, vous pourrez les retrouver en concert, en live, hein, bientôt, pour la sortie de leur 45 tours, je crois. À la Gueule Noire, c'est un espace autogéré à Saint-Étienne. Bon, les auditeurs de Radio Audio a priori connaissent, c'est au 16 rue du Mont, et je crois la date c'est le vendredi 2 novembre, non? On me confirme en technique? On me dit dans l'oreillette que ce sera le vendredi 2 novembre avec un PAF de 5 euros et 8 euros avec le disque de 10 Minutes Later. Voilà. Venez nombreux et nombreux. Bon, on voulait conclure nos objectifs. Ah, on a de l'ambition, hein, nos utopies. Hein, on les développera. On développera tout ça dans des émissions prochaines parce que nous avons des grandes ambitions. Je sais pas, mettre à bas le système capitaliste. En toute simplicité. L'égalité de la justice sociale, le partage des richesses, la gestion de la société par les producteurs et les productrices, eux et elles-mêmes. Bon, OK. Nos moyens d'action. Être présent sur le terrain en initiant ou participant aux luttes anticapitalistes, aux luttes antisexistes, aux luttes antifascistes, contre toutes les répressions et discriminations de l'État. Plus concrètement, sur Saint-Étienne, par exemple, on est très présent à la Gueule Noire, où le local autogéré dont on parlait tout à l'heure, et bon, c'est une mise en pratique de nos convictions autogestionnaires et révolutionnaires. À la Gueule Noire, on a la CNT à sa bibliothèque, hein, qui est riche en critiques sociales et en documents. Plusieurs militants de la CNT sont aussi investissent le collectif des sans-papiers de la rue des Secours. Ça pourra peut-être aussi être plus parlé. Dans d'autres émissions. Et puis du coup, on termine un peu par nos soutiens là aujourd'hui. Nos soutiens, par exemple, je pense tout de suite au collectif Psychose, qui est un collectif qui est né des personnels de l'hôpital, hein, tout personnel confondu, c'est-à-dire des aides-soignants, des infirmières, des internes, des ASH, des agents du ménage. Mais c'est au niveau national ou simplement local? Non, le collectif est local. Hein, il est né après, mais voilà, il y aura sans doute une émission où on reparlera de tout ça. Il est né au sein du CHU. Brigitte, le pré-enseignant là, que tu as Oui, au niveau de l'éducation, ouais. Mais pas que, parce que ça concerne un peu tout le monde. On lutte contre la fermeture du pré-enseignant qui permettait à chacune des profs de se procurer des ouvrages en nombre pour pouvoir travailler dans la classe. Les livres coûtent très cher. Et ça permettait d'avoir plein d'exemplaires gratuitement. Et donc, ils ont fermé le pré-enseignant avant de savoir ce qu'on allait faire des 40 000 livres. Qui c'est qui a décidé de fermer? La mairie de Saint-Étienne. Ah, d'accord. Monsieur Perdriau. Oui, alors les raisons, c'était que, effectivement, c'était un prêt départemental. Mais qui reposait sur le poids financier reposait sur la municipalité de Saint-Étienne. Donc on comprend qu'ils aient essayé de chercher des solutions, mais donc ils ont fait l'inverse, ils ont d'abord fermé et après on cherche des solutions. Donc ça nous va pas du tout parce que nous on peut plus emprunter de livres. Enfin si, on peut en emprunter, mais 5 à la fois au lieu de 25 ou 40, et voilà. Et du coup, on n'est pas content. Et on fait signer des pétitions un peu partout avec les bibliothécaires. Alors, les bibliothécaires vont faire signer les pétitions à la sortie des écoles. Et nous allons faire signer des pétitions devant les bibliothèques. Et vous faites ça avec les autres syndicats ou il n'y a que la CNT Éducation? Non, pardon. Ouais, c'est en intersyndical. D'accord. Donc il y a, voilà, CGT, FO, la FSU, l'UNSA, la CFDT, voilà, je crois que j'ai oublié personne. Ils sont tous, quoi. Bah oui, oui, parce que ça concerne tout le monde, c'est normal. C'est quoi nos autres soutiens encore ? Dans notre soutien, il y a la lutte contre la 45, parce que même si pour le moment le projet il est mis un petit peu en stand-by, soi-disant, ben il y a quand même des risques qui recommencent, qui nous le remettent sur le tapis. Et donc du coup, il y a une journée le 22 septembre à la Talaudière. C'est passé. C'est passé, mais il y a eu une journée. Il y a eu une journée. Il y en avait aussi une autre à ces lieux aujourd'hui. Mmh. Et puis, je pense qu'il y en aura d'autres. Et la CNT est très présente dans cette lutte-là. On était aussi présents hier au rassemblement pour dénoncer ce qui se passe avec l'Aquarius, le refus d'accoster et de prendre en charge les personnes qui ont été sauvées par l'Aquarius, et puis aussi dénoncer le groupe identitaire qui a investi les locaux d'SOS Méditerranée à Marseille pour leur faire peur et pour faire passer SOS Méditerranée pour des passeurs, des gens qui chercheraient leur profit en aidant les migrants qui sont en mer. Donc c'est aussi une lutte à laquelle la CNT participe. Il y a notamment une pétition qui a été signée sur Internet. Et puis je parlerai aussi de quelque chose que j'ai découvert moi cet été, c'est la destruction de la forêt en France, un peu partout, notamment en Creuse, puisqu'il y a un film là, qui est en train de paraître qui s'appelle Le temps des forêts et qui décrit bien ce système. Donc le temps des forêts, comme ça se passe en Creuse, il y a beaucoup de propriétaires privés, mais parallèlement il y a les personnels de l'ONF qui sont réunis en intersyndicale pour dénoncer les décisions qui sont prises par la direction de l'ONF et le ministère de l'Agriculture et qui menacent les forêts françaises, notamment en les privatisant, en les transformant en usines à bois et en les mettant au service des lobbies financiers. Et je ne sais pas si vous vous baladez un peu dans des endroits où il y a des forêts, vous verrez qu'il y a vraiment une destruction massive qui se fait. Et en Creuse, c'est vraiment très fort. Et donc, les personnels de l'ONF ont donc lancé des marches pour la forêt, pour défendre la forêt. Et donc, ces marches, elles partent de Strasbourg, de l'Est, je crois, du Sud-Ouest et aussi du Sud. Et elles vont se retrouver le 25 octobre. Alors, je ne me rappelle plus le nom du bled. L'Allier. C'est dans l'Allier. Saint-Martin-Troncet ? Oui, Saint-Bonnet-de-Troncet. Saint-Bonnet, dans l'Allier. Donc le 25 octobre, pour lutter ensemble contre les lobbies qui veulent rendre la forêt, la culture de la forêt, entre guillemets, intensive, puisqu'ils coupent les arbres et ils replantent des arbres avec des engrais. Ce qui est une catastrophe. Et pour aller sur le site de cette marche, il faut faire marche-pour-la-forêt.webnode.fr. D'accord. Ça fait une belle transition vers l'agenda rassemblements, des luttes à venir. Je voulais juste rajouter des soutiens un peu plus lointains, mais importants pour nous, le soutien au Chiapas. Hein, par le biais de la vente du café Rebelles et Zapatistes. Oui, c'est pas au Chiapas, c'est aux Zapatistes au Chiapas. Hein, pas à l'ensemble l'état du Chiapas, attention. Oui, oui, aux Zapatistes du Chiapas. Et puis, bon, pour l'info très concrète, il y a une arrivée de café, là. Le café est en torréfaction, là, actuellement. Il sera bientôt disponible à la salle 15 bis. Donc, si vous voulez passer un vendredi, vous pouvez acheter du café. C'est notre salle. C'est notre grande salle. À la Bourse du Travail. Voilà, pareil pour le soutien à la Palestine, où très modestement, hein, mais on participe en achetant et en vendant, revendant l'huile de Palestine. Le savon aussi, qui est très bon. C'est bon, on enchaîne sur l'agenda. Ouais, parce que là, c'est l'heure. Oulala, on n'a plus qu'une minute. Eh bien oui, une minute. Alors, vite fait, vite fait, vite fait. Donc, il y a une manifestation interprofessionnelle mardi prochain, le 9 octobre. Le rendez-vous, c'est à 10h30 devant la Bourse du Travail de Saint-Étienne. La CNT y sera, évidemment. Ensuite, dans... On met des drapeaux rouges et noirs. Voilà. Dans l'agenda... Femmes libres aussi. Dans l'agenda, plutôt copinage, là, on conseille de se rendre, mais il faut le faire rapidement, il faut réserver les places rapidement au festival de la France Pu. La France Pu, c'est un collectif qu'on aime beaucoup à la CNT. Donc, ils fêtent leurs 20 ans. Et donc, c'est du 10 au 13 octobre à Saint-Étienne. Il faut réserver les places sur Internet très rapidement. Une autre date aussi, c'est à la salle du Clapier le dimanche 21 octobre. C'est un concert de soutien au collectif des cours et des logis donc qui ont une permanence de soutien aux sans-papiers. Donc c'est aussi organisé, co-organisé par la salle du Clapier et la France Pu le dimanche 21 octobre. Il y a un groupe qui s'appelle Les Rats, un autre Zone Infinie et un autre Zéro Gain. Voilà. Ensuite, dans les dates, il y a le 9 novembre, c'est le concert de soutien à la Gueule Noire. Entre autres... Parce qu'on ne touche pas de subvention. Voilà. Et donc, entre autres, on aura un groupe qu'on aime bien qui s'appelle Porte-Fenêtre, un autre groupe qui s'appelle ACB, et le troisième groupe, je ne me souviens plus. Boom Boom Kids, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Si donc, tout va bien. Donc voilà, le 9 novembre à la Gueule Noire. La Gueule Noire, c'est au 16 rue du Mont, c'est dans le quartier de Bellevue. Voilà. Qu'est-ce que je donne ? Après, pour nous contacter ? Oui, ouais. Voilà. Alors, pour nous... Je continue ? Pour nous contacter, on a un téléphone, une ligne fixe au 04 77 25 78 04. Si vous voulez nous voir physiquement, donc il y a une permanence. Le vendredi... Ça vaut le coup, il faut nous voir physiquement. Ouais. Oui, surtout. N'importe quoi. C'est le vendredi... de 17h à 18h30, donc à la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Le métro, non, c'est un tramway à Saint-Étienne. C'est Bourse du Travail, c'est facile. Hein, c'est au rez-de-chaussée, salle 15 bis. On a même un mail, donc le mail, c'est assez facile aussi. C'est cnt42, comme le département, @cnt-f.org. Et vous pouvez nous écrire par la poste. Oui, donc vous écrivez une boîte à lettres, CNT, salle 15 bis, Bourse du Travail, 42 000 028, Saint-Étienne, CEDEX 1. Et n'oubliez pas... Attends, et juste pour les femmes libres, c'est la même adresse, en précisant femmes libres, la même adresse courrier, et notre numéro de téléphone, c'est le 06 21 70 60 67. Voilà. Il y a un répondeur où on vous rappellera. Et n'oubliez pas, le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ?»« Je ne rentrerai pas dedans, je ne rentrerai pas dedans !» Et pour laisser la prochaine émission.